Gucci et Fendi, elle veut dévaliser les boutiques. Rendre jaloux ses copines, c'est incroyable. Elle veut aller à Dubaï, stamper à Zanzibar. Elle veut zouker dans mon jet. La vie de Luga, tout ça dans mon argent. Tout ça dans mon argent. Avant que je le ramasse, elle veut quitter Barbie, elle veut partir aux Bahamas. Et quand le sac il est plein de bis, elle est toujours dans les parages. Elle veut faire des selfies, 5 étoiles dans les palaces. J'ai quitté mon père, j'ai quitté ma mère, c'est pas pour te donner mon cœur, ouais. Les Gucci, les Fendi c'est bien beau, ouais. Mais prouve pas que tu le mérites, hein. La petite est malade, dès que j'ai mon jeton, elle est dans les barrages. Elle fait pas dans la dentelle, elle veut visiter le monde, elle n'a pas de barrage. Gucci et Fendi, elle veut dévaliser les boutiques. Rendre jaloux ses copines, c'est incroyable. Elle veut aller à Dubaï, stamper à Zanzibar. Elle veut zouker dans mon jet. La vie de Luga, tout ça dans mon argent. Tout ça dans mon argent. Faut faire doucement, allons calmement. C'est pas comme ça, y est finir mon jeu. Elle n'a pas d'ambition, n'a même pas de projet sur moi. Elle veut faire son bien. Elle veut faire les balades et chauffer ma carte. Ouais, parce que j'ai tout le lait. M'afficher le dernier de mes soucis. Parle de nous, tu goûtes le Uzi. Le gang est parfait pour les poussies. Ma petite, je suis un douci. Ta petite est malade. Dès que j'ai mon jeton, elle est dans les parages. Elle fait pas dans la dentelle.